Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le système d'apartheid en Afrique du Sud. Notre politique est appelée politique d'apartheid. Et j'ai peur qu'elle soit souvent mal comprise. On pourrait mieux la décrire comme une politique de bon voisinage. L'apartheid, une politique de bon voisinage, affirme le plus sérieusement du monde celui qu'on appellera l'architecte de l'apartheid, Hendrik Verwoerd, en 1961. L'apartheid sera plutôt dans les faits un système de ségrégation raciale institutionnalisé et dûment inscrit dans les lois sud-africaines jusqu'à son abolition officielle le 30 juin 1991. Écoutons le journaliste sénégalais Mohamed Elbou à l'émission Aujourd'hui, en avril 1968. La théorie de l'apartheid, c'est quoi? C'est le développement parallèle de deux races sur un même sol. Et on s'est rendu compte qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas le développement parallèle, mais le développement superposé d'une race et d'une culture sur une autre race, une autre culture. Mm-hmm. Alors, les faits parlent d'eux-mêmes et mettent en évidence l'imposture de l'application de la théorie de l'apartheid. Là où les Blancs ont 100 chances, si vous voulez, le Noir a à peine 3 ou 4. Alors vous voyez, et alors les Blancs sont une minorité en Afrique du Sud. Nelson Mandela qui s'adresse à la foule venue l'acclamer au Cap le jour même de sa libération, le 11 février 1990. Avec la libération de Mandela, l'Afrique du Sud tourne une page importante de son histoire. La libération de Mandela, c'est le début de la fin de ce système d'apartheid qui a si longtemps imposé la domination de la majorité noire par la minorité blanche en Afrique du Sud. Pour nous raconter l'histoire de l'apartheid, notre invitée Marianne Séverin, politologue et spécialiste de l'Afrique du Sud, chercheuse associée à Sciences Po Bordeaux. Marianne Séverin, bonjour. Bonjour. Bonjour. Marianne Séverin, c'est le 30 juin 1991 que le président Frédéric de Klerk met officiellement fin à l'apartheid. Quelle importance a cette date, Marianne Séverin? Comment elle se compare, par exemple, à la libération de Mandela en 1990 ou à son accession à la présidence en 1994? On va dire que cette date, finalement, suit, n'est autre que la conséquence, entre guillemets, de la libération de Nelson Mandela et de l'accord du Parti nationaliste à ce que les prisonniers politiques et les exilés politiques reviennent au pays, c'est-à-dire plus de lois discriminatoires sur les non-blancs, parce qu'on parle toujours des Africains, mais on oublie les Métis et les Indiens. Donc, plus de lois discriminatoires contre les non-blancs. Et finalement, une rentrée dans des négociations officielles. Oui. Sachant qu'elles avaient commencé au milieu des années 80 et un renouveau, si on peut dire, un début de renouveau pour l'Afrique du Sud. Oui. Qu'est-ce qui pousse Frédéric de Klerk à abolir ce système d'apartheid, mais plus largement, en vous écoutant, à s'engager au fond dans ce renouveau avec la libération de Mandela, avec la date du 30 juin et tout ce qui suivra? Alors, la formule, elle est tout à fait imagée, mais tout le monde va comprendre. L'apartheid ne pouvait plus s'offrir l'apartheid, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir des années 80, il y a un véritable boycott économique. L'Afrique du Sud devient ingouvernable, donc le Parti nationaliste ne peut pas faire autre chose que de décider de mener une autre politique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des négociations qui avaient déjà à cours, mais à l'époque, nous ne le savions pas. Donc, c'était les négociations secrètes entre les leaders de l'ANC en exil et le Parti nationaliste, et également avec Nelson Mandela en prison. Alors, ce système d'apartheid, il est institué en 48-49. Dans quel contexte, Marianne Séverin? Ce système d'apartheid est institué officiellement lorsque le Parti nationaliste arrive au pouvoir. Alors, il n'est pas arrivé au pouvoir comme ça par magie. Il y a eu un long processus qui date de la fin du 19e siècle. Le fait qu'à la suite de la guerre des Bourgs, les Anglais et les Bourgs se réconcilient sur le dos finalement des Noirs, donc la majorité de la population sud-africaine. Et ce qui fait que pour se protéger, parce qu'en fait c'est ça, au niveau politique et économique, les Blancs vont se retrouver entre eux et vont décider que finalement, ils ont tout à gagner en écartant les Noirs dans tout ce qui est économique, politique et social. Ouais. Donc c'est le début officiel de ce système en 1948-49 avec l'élection de ce parti. Mais au fond, l'apartheid, les lois raciales, les lois racistes existent avant l'apartheid. Elles existent avant l'apartheid et je vais vous donner un exemple. Une loi qui pose encore problème 100 ans après, c'est la loi sur les terres qui a été votée, si je me souviens bien, en 1911, où finalement vous avez 87% des terres qui sont attribuées à la minorité blanche et les 13% qui restent, et puis alors naturellement les plus mauvaises, à la majorité noire. Ça dit tout. Revenons quand même à cette étape subséquente où on pousse plus loin encore l'idéologie sur laquelle repose ce système d'apartheid. De fait, ça repose sur quoi, cette philosophie, cette idéologie? Alors, ça repose tout d'abord à une division raciale de la population. Donc, en fait, vous avez les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Et encore, je suis gentille parce que je dis les Noirs, normalement, devraient arriver à la fin. Donc, les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. Donc, ouais. Vous voyez, je gradue. Donc, c'est du supérieur au plus inférieur, c'est-à-dire le Noir. Et donc, ça prend toute la sphère économique et sociale. Et ça va jusque dans les écoles. Donc, les petits Noirs vont avec les petits Noirs, mais alors par ethnie aussi. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'on divise aussi par ethnie. Donc, quand vous êtes Zoulou, vous allez dans une école zoulou et ça atteint même l'université. Donc toute la société sud-africaine est divisée en quatre groupes raciaux. Voilà, c'est ça l'apartheid, tout simplement. Au fond, c'est quelques lois qui vont régir tout ça aussi. C'est quoi, trois ou quatre lois qui vont régir ce système-là? Oh, j'ai arrêté de faire le compte, mais au début, on va dire oui, trois, quatre lois emblématiques et au fur et à mesure des années, on empile et au fur et à mesure aussi de l'opposition, parce qu'il y a aussi les droits politiques qui sont volés entre guillemets aux Noirs. Donc ceux-ci se retrouvent sans pouvoir voter dans leur propre pays. D'ailleurs, on dit très souvent qu'ils sont étrangers alors qu'ils sont en Afrique du Sud. Et ça commence dès les années 40 avec les communistes, puisque on est en pleine guerre froide. Alors naturellement, les communistes, ce sont les méchants. Et tous ceux qui s'opposaient contre le gouvernement d'apartheid, au départ pacifiquement, étaient considérés comme des communistes. Donc il y a une loi en 1950 qui est votée et qui interdit les partis d'opposition et jusqu'à interdire l'engagement politique des membres qui étaient obligés de se cacher, qui se retrouvaient en prison, etc., etc. Bon, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a certaines similitudes entre ces systèmes d'apartheid en Afrique du Sud et cette fameuse philosophie dans le sud des États-Unis du séparé mais égaux, qui va se poursuivre jusque dans les années 60. On écoute à ce sujet, et puis on y reviendra ensemble ensuite, Marianne Séverin. On écoute à ce sujet le père Joseph-Marie Quirion à l'émission Partage du jour en 1963. Disons que l'apartheid, tel qu'il est pratiqué en Afrique du Sud, est un système de ségrégation raciale et que ce système-là est soutenu, inséré, exprimé dans tout un système de législation passé par le Parlement du pays qui est au contrôle de la population blanche. Tandis qu'aux États-Unis, c'est une situation de fait qui n'est pas légale. Du moins sur le plan fédéral, lorsqu'on tient compte de l'idéal tel qu'il est exprimé dans la Constitution américaine, on voit qu'aux États-Unis, toute la législation, les décisions de la Cour suprême tendent à supprimer graduellement ce système de ségrégation raciale. Tandis qu'en Afrique du Sud, le système de législation, la législation du pays, tend à le confirmer, à maintenir cette division, cette ségrégation. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des faits concrets qui nous permettent de visualiser, si vous voulez, cette situation? Disons que la ségrégation raciale en Afrique du Sud prend la personne qui n'est pas de race blanche 24 heures par jour. Pour aller au travail, il doit voyager dans des autobus exclusivement réservés aux Noirs. S'il voyage dans un train, là, évidemment, on a trouvé que ça serait trop coûteux d'avoir des trains différents, mais on a des wagons différents. Ils sont traînés par la même locomotive, cependant. Un Noir ne peut pas aller dans les cinémas des Blancs, ne peut pas aller dans des salles de concert de Blancs, ne peut pas aller aux hôtels qui sont réservés aux Blancs, ne peut pas aller aux restaurants qui sont réservés aux Blancs. Alors, poursuivons sur cette lancée, Marianne Séverin, en examinant les conséquences concrètes de ce système d'apartheid pour les Noirs sud-africains. Ça signifie quoi, très concrètement, au quotidien, être Noir en Afrique du Sud au moment de l'apartheid? Être Noir en Afrique du Sud, c'est avoir l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un dompas, un passeport que vous devez présenter à chaque fois qu'on vous le demande. Si vous êtes dans la rue et que vous croisez un blanc, vous devez laisser le trottoir au blanc. Ça en arrive jusque-là. Ça veut dire aussi que même dans votre vie intime, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles ou de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de votre couleur. En fait, c'est toute votre vie, depuis votre petite enfance, où la loi régit finalement votre façon de vivre, votre façon de penser. Et je vais vous donner un exemple qu'on m'a raconté. Dans certaines familles, vous aviez ce que j'appelle des dégradés de couleur. Il s'avère qu'il y a des familles qui ont été séparées parce qu'il y a des enfants qui étaient très foncés de peau, puis il y en avait d'autres qui étaient, qui étaient un peu plus clairs. Et vous savez comment on arrivait à savoir si vous étiez noir ou pas, ou alors, parce que des fois, on avait des doutes. En prenant un peigne, et si le peigne tombait, finalement, vous étiez blanc, et si le peigne restait accroché, vous étiez noir. Vous voyez jusqu'où ça arrivait, quoi. Ouais. Et l'autre exemple qui frappe, c'est si vous habitez quelque part. Alors, je vais vous donner le nom d'un township, Sophiatown, qui était une zone noire. Et lorsque le gouvernement a décidé qu'il fallait qu'il récupère cette zone pour la transformer en zone blanche, les bulldozers sont arrivés et les Noirs ont été expulsés de leur lieu de vie. Ils ont tout perdu. Ouais. Dans toute votre vie, vos papiers, tout, vos souvenirs, vous les perdez. Oui, l'endroit même où vous vivez, donc on le détermine pour vous, ça va jusque-là. Ce qui fait qu'il y aura assez tôt un mouvement d'opposition, l'ANC, le parti de Mandela, le Congrès national africain. Mandela viendra plus tard, lui, évidemment, sera créé dès 1912 pour lutter contre cette discrimination à l'endroit des Noirs. Mais c'est vraiment avec la manifestation de Sharpeville en 1960 que le monde, que la communauté internationale va commencer à prendre conscience de la situation des Noirs en Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter René Lévesque, journaliste à l'époque, expliquer la situation des Noirs sud-africains dans la foulée, justement, des événements de Sharpeville qui viennent de se dérouler au moment où il fait ce reportage. Je voulais parler de cette Afrique du Sud, où les Noirs sont parqués sur des réserves, sauf ceux qu'on enchaîne à des salaires d'esclaves, aux emplois les plus épuisants et les plus rebutants. Des emplois dont ils sortent ou dont ils remontent pour se retrouver encore enchaînés à l'intérieur du système de ségrégation raciale, l'apartheid, le plus complet, le plus inhumain qu'on ait jamais inventé. Dans les banlieues, ils ont leur bidonville, où les enfants grandissent en se disputant avec les rats, en attendant de crever à leur tour de fatigue ou de misère. Et pour sortir de ce paradis, il faut qu'un Noir obtienne, conserve précieusement, et soit toujours prêt à exhiber jour et nuit, un livret d'identité, sans lequel il n'a absolument pas le droit de faire un pas nulle part dans le pays. Et même s'il l'a perdu, ou même si ce l'est fait enlever sans qu'il y ait de sa faute, son compte est bon, c'est au moins une amende et aussi la plupart du temps la prison. C'est contre ça, après des années et des années, c'est contre ça, touchés à leur tour par le vent de liberté qui balaye l'Afrique, que les Noirs de Johannesburg ont osé protester le mois dernier par une manifestation tout à fait non violente. Et alors, la police sud-africaine a aussitôt démontré qu'elle, la non-violence, ça ne l'impressionne pas. Et de fait, effectivement, cette manifestation de Sharpeville va finir en véritable carnage, Marianne Séverin. Qu'est-ce qui se passe à Sharpeville le 21 mars 1960? À Sharpeville, les policiers tirent dans la foule. en soi-disant légitime défense. Et le tournant, c'est que l'ANC va décider que l'époque des manifestations pacifiques était passée et que là, il fallait mener la lutte armée. Et c'est comme ça qu'est née la branche armée de l'ANC qu'on appelle Umkhonto Wesizwe. Et c'est Mandela, Nelson Mandela, qui va décider de créer cette branche-là. Alors, c'est un des membres fondateurs, parce qu'il ne faut pas oublier ses camarades, donc un des membres fondateurs de cette branche armée qui est énormément soutenu par les communistes et notamment l'ex-URSS, puisque vous savez, en pleine guerre froide, nous avons deux blocs qui s'affrontent. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un hasard qu'on décide. Bon, Sharpeville, c'est très violent. Donc, Mandela et ses camarades décident qu'il faut en venir aux armes, en fait, créer cette branche armée de l'ANC. Il faut dire qu'à la suite de Sharpeville, les autorités sud-africaines vont aussi interdire l'ANC. Donc, l'ANC est plongée dans la clandestinité, même l'ANC soi-disant officielle. Oui, l'ANC se retrouve plongée dans la clandestinité et c'est là que vous avez une ANC qui se retrouve en exil avec à sa tête le président Oliver Tambo qui était le meilleur ami de Nelson Mandela et Nelson Mandela et d'autres, notamment le président actuel de l'Afrique du Sud, rentrent dans la clandestinité et malheureusement vont se faire arrêter à partir des années 62-63 et vont être, pour aller plus vite, condamnés à la prison à vie ou ouais. 10 ou 15 ans pour d'autres, à la fameuse prison de Robben Island. Ouais, et Mandela va y passer presque 30 ans. À quel moment la communauté internationale commence à s'indigner, à comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud et à réagir au fond. Alors, je pense qu'on commence déjà à se poser des questions à la suite des événements de Soweto, parce qu'après Sharpeville, quelques années après, il y a eu le 16 juin 1976 la révolte de Soweto et on se rappelle de la fameuse photo de l'enfant assassiné par les policiers. Mais vraiment, la communauté internationale s'empare de ce problème à partir des années 80, alors que l'ANC, qui a un peu plus de poids à l'étranger, décide que l'Afrique du Sud devra être ingouvernable. Le Canada est prêt s'il ne se produit pas de changements fondamentaux en Afrique du Sud, a envisagé des sanctions totales contre ce pays et son régime de répression. Plus encore, s'il ne survient aucun progrès dans le démantèlement de l'apartheid, nous n'aurons peut-être pas d'autre solution que de rompre complètement nos relations avec l'Afrique du Sud. Le premier ministre canadien Brian Mulroney devant l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 1985. Marianne Séverin, vu d'ici, on estime que le premier ministre Mulroney et le Canada ont eu un rôle important à jouer dans cette bataille contre l'apartheid. Quelle importance, en fait, aura l'implication, l'engagement du Canada dans cette bataille? Je pense qu'en fait, des grandes puissances comme le Canada ont plus quelque part obligé le gouvernement sud-africain à lâcher prise et finalement être à l'écoute de l'opposition afin qu'il y ait un règlement. Parce qu'il faut se rappeler quand même que le reste de l'Afrique est libéré. Nous avons un vent de démocratie et le seul point noir, c'est quand même l'Afrique du Sud. Ouais. Donc il fallait absolument trouver un moyen pour que les choses s'aplanissent et naturellement, nous ne sommes plus dans une situation de guerre froide puisque juste avant, il y a eu la chute du mur de Berlin. Ouais. Et puis pour ce qui est du rôle de M. Mulroney, peut-être un petit point à rajouter, mais évidemment, un joueur important, clé, c'est le Royaume-Uni, c'est Margaret Thatcher à l'époque et on dit que M. Mulroney là-dessus vraiment comptera sur le fait que Mme Thatcher finalement finira par se joindre à ce mouvement de lutte contre l'apartheid. Revenons en Afrique du Sud comme telle. qu'est-ce qui, et puis peut-être au début de l'émission, au fond, vous parliez de négociations secrètes, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, de Klerk dit « c'est bon, on n'a pas le choix, il va falloir que ça change ». Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apartheid ne pouvait plus s'offrir l'apartheid, ouais, parce qu'en fait, le pays est exsangue économiquement, trop de violence. Puis vis-à-vis de la communauté internationale, c'est quand même préoccupant. Et pendant ce temps-là, il y a des négociations. Et finalement, je crois que les gens qui ont négocié ont commencé à se comprendre et à comprendre que finalement, c'était soit la guerre civile et on mettait le pays à feu, encore plus à feu et à sang, alors qu'il y avait quand même de grosses poches de violence en Afrique du Sud durant cette période. En fait, on a continué à parler, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ANC, même en étant rentré dans une formule de guerre, de lutte de libération armée, a toujours considéré qu'elle devait négocier avec le gouvernement en place. Ouais. La porte a toujours été ouverte. Aujourd'hui, Marianne Séverin, l'apartheid n'existe plus officiellement. Il n'y a plus ces lois racistes en Afrique du Sud. Dans les faits, est-ce qu'il existe toujours une forme d'apartheid dans ce pays? Alors, j'aime pas utiliser le terme apartheid à l'heure actuelle, mais on va dire qu'il y a un déséquilibre économique et social. Donc, ceux qui sont défavorisés, c'est toujours ceux qui appartiennent à la majorité de la population sud-africaine. Et l'économie reste toujours entre les mains de ce qu'on appelle les Blancs en Afrique du Sud. Mais il faut comprendre que il y a une classe moyenne sud-africaine noire qui s'est développée et que maintenant vous avez 10 milliardaires noirs en Afrique du Sud. Le problème, il est peut-être plus économique et social, mélangé avec le racial, mais en même temps, cette démocratie, elle a que un petit peu plus de 20 ans, donc elle est jeune, et puis les gens ne vont pas changer de mentalité aussi facilement. Une dernière chose sur la pensée de Mandela, qui profondément voulait l'égalité pour tous dans ce pays arc-en-ciel, dans ce pays multiple, et qui surtout redoutait, ne voulait pas qu'il y ait d'esprit revanchard, qu'au fond, une classe dominante soit remplacée par une autre classe dominante. Qu'est-ce qui reste de cette pensée-là dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui? Alors, jusqu'à récemment, je vous aurais répondu que cette idée, cet héritage existe encore. L'héritage est en danger, là, en ce moment, parce que vous avez un parti d'opposition dirigé par un certain Julius Malema, où on explique que finalement, les Noirs doivent dominer les Blancs, que les Blancs doivent partir et doivent laisser leurs terres, donc en gros se retrouver comme au Zimbabwe, et on vous parle d'ailleurs de capitalisme blanc, alors qu'il y a un capitalisme noir, hein, soit dit en passant. Et finalement, les Blancs sont extrêmement mal à l'aise, et Julius Malema a tendance à dire que l'ANC a trahi parce qu'elle défend le capitalisme blanc. Alors que la question n'est pas là, c'est juste un déséquilibre économique et social dans le pays. Marianne Séverin, chercheuse associée, experte de l'Afrique du Sud, chercheuse associée à Sciences Po Bordeaux, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.